13-4, production orale. Écoutez le dialogue suivant. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. Vous entendrez le dialogue une fois, puis vous entendrez ce que dit le deuxième personnage trois fois. Puis, vous entendrez ce que dit le premier personnage et vous jouerez le rôle du deuxième. 1. Écoutez. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu ? Non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas. À vous. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu ? 2. Écoutez. Qu'est-ce que tu fais comme étude ? C'est de la sociologie et du droit. C'est de la sociologie et du droit. C'est de la sociologie et du droit. C'est de la sociologie et du droit. À vous. Qu'est-ce que tu fais comme étude ? 3. Écoutez. Je ne veux pas me dire trop jeune, c'est trop dangereux. Et quel âge as-tu au juste ? Et quel âge as-tu au juste ? Et quel âge as-tu au juste ? Et quel âge as-tu au juste ? À vous. Je ne veux pas me dire trop jeune, c'est trop dangereux. 4. Écoutez. Oh bah dites donc, ça ne va pas vite, hein. Ça fait longtemps que vous attendez ? Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. À vous. Oh bah dites donc, ça ne va pas vite, hein. Ça fait longtemps que vous attendez ? 5. Écoutez. Je peux pas rester, moi. J'ai un rendez-vous avec une superbe à l'escalier. Je me sauve. Ah là là, il est puant, ce mec. Ah là là, il est puant, ce mec. Ah là là, il est puant, ce mec. Ah là là, il est puant, ce mec. À vous. Je peux pas rester, moi. J'ai un rendez-vous avec une superbe à l'escalier. Je me sauve.